Toujours à la même occasion, les presses syriennes ont présenté les numéros spéciaux. La télévision centrale a émis les photos montrant les activités révolutionnaires du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il, en exaltant la vie révolutionnaire du président qui a accompli les exploits immortels pour la patrie, le peuple, l'époque et l'histoire. L'agence de presse Sana, les journaux Tichulin, Al-Bas, Al-Saoura et la radio centrale ont exalté la vie entière du grand leader qui s'immortalise dans le cœur de l'humanité de siècle en siècle pour ses grands exploits sans précédent accomplis dans l'histoire de l'humanité avec les éminentes idéologies et théories et la pratique révolutionnaire.